الحمد لله المبدي المعيد ذي البطش الشديد، الفعال لما يريد، أحمده سبحانه وأشكره. بالشكر تدوم النعم والمنن، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله، صلى القريب والبعيد. أنذر القريب والبعيد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، sachez que chaque âme ne portera que son propre fardeau. Il s'innocentera de toutes les autres âmes et essaiera de trouver toutes les excuses possibles pour se sauver. Combien d'entre nous d'espoir et le fait de reporter son repentir au lendemain des eaux perdues. Combien d'y savoir à la foi, mais sauf qu'on n'en voit aucune trace. Combien parlent, mais sans agir. Ils savent quel chemin suivre, mais sans détourner. Ils savent que ce qui est interdit, mais ils se le rendent litigieux. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, ces gens-là croient qu'ils vont au jour de la résurrection, oh que non, par le Seigneur au jour des comptes. Et sachez que ne rentrera au paradis que celui qui veut, et ne sera sauvé de l'enfer que celui qui craint. Et sachez que passer par l'enfer est quelque chose de sûr. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il n'y a pas une personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Mais est-ce qu'en sortir est quelque chose de sûr? Où est la peur de ce jour terrible? Moussa ibn Sa'd, rahimahullah, a dit, quand on était assis avec Sofiane, nous avions l'impression que l'enfer était autour de nous, tellement on envoyait la peur et la crainte sur lui. Et notre discours aujourd'hui est un rappel et un avertissement de ce que nous a informé le Coran et de ce qui est authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une menace pour ceux qui prêtent de mensonge le jour de la résurrection. Et c'est une intimidation à ceux qui ne veulent pas avoir son droit. C'est un discours sur l'enfer, ses habitants, leur situation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont l'eau combustible sera les gens et les pièges. Surveillés par des anges russes, durs, ne désobéissant jamais à Allah subhanahu wa ta'ala en fait de leur commande. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, par Allah, si une personne craint le feu, elle aura l'impression que la terre rétrécit autour de lui et devient de plus en plus exiguë. Quant à l'hypocrite, même si l'enfer est derrière lui, il n'y croira pas jusqu'à ce qu'il y soit jeté. Et nous n'avons pas été mis en garde contre une chose pire que l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne brûlera que le damné qui dément et tourne le dos. Ne savez-vous pas que la crainte de l'enfer atteint même les anges rapprochés et les prophètes envoyés? Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque d'entre les anges dirait je suis une divinité en dehors d'Allah, nous le retribuerons de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il donc pas Allah d'autres divinités, sinon tu seras jeté dans l'enfer. Craignez donc le feu, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date de monde, ne serait-ce qu'en disant une bonne parole, multipliez ton évocation afin de vous en rappeler, œuvrez pour en être sauvé, voilà ce dont Allah menace ses serviteurs, craignez-moi donc. Sachez que l'enfer est la pire des demeures, et son châtiment est le pire des châtiments. Sa chaleur est insupportable, son fond est lointain, ses maillets sont de fer. Si on lance de son bord une pierre, elle mettra plus de 70 années pour atteindre le fond. Ses chemins sont étroits, ses abreuvoirs sont meurtriers, son feu y est continuellement attisé et ne s'éteint jamais. On n'y entend que des larmes, des plaintes et des gémissements. Ses portes sont fermées et ses piliers sont de flammes. Son obscurité, son angoisse et sa chaleur est de jour en jour de plus en plus grande. Et le jour de la résurrection, toutes les communautés seront agenouillées. Les injustes verront alors leur mauvaise demeure. Ils seront conduits vers la fumée de l'enfer à trois branches. qui ne fait ni d'ombre, ni n'est capable de protéger contre le feu. Ils seront enveloppés d'un feu plein de flammes. Ils y entendront ses pétillements et son gloussement, et ils verront sa fureur et son rugissement. Les gardiens de l'enfer les appelleront et diront: entrez par les portes de l'enfer afin d'y demeurer éternellement. Et quelle mauvaise demeure pour les enfers. Ils seront réunis dans un abîme profond. Les gardiens de l'enfer les frapperont, les brûleront et les étoufferont. Ils seront secoués dans l'étroitesse de l'enfer et ils seront fracassés dans ses abîmes. Tu verras les criminels qui ne croyaient pas à ce jour enchaînés les uns aux autres. Leurs habits seront de goudron et le feu couvrira leur visage. Ils auront des carpons au cou et avec des chaînes ils seront tirés par le visage et les pieds, puis seront entraînés dans l'eau bouillante et ensuite ils brûleront dans la fournaise. Et de l'eau bouillante sera renversée sur leur tête, ce qui fera fondre ce qui est dans leur ventre, ainsi que leur peau, et au-dessus de leur tête il y a des moyens pour les maintenir. Allah subhanahu wa ta'ala dira: goûtez au contact de Saqar, la chaleur brûlante de l'enfer. Leur nourriture ne seront d'autres que des plantes épineuses, et Zakoum, qui est un arbre de l'enfer dont les fruits sont pareils à des têtes de diable. Leur boisson sera l'eau bouillante et purulente, ainsi que du pus qu'ils tenteront d'avaler à petite gorgée en y arrivant à peine, ce qui déchirera leurs entrailles. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet: et là, ils hurleront: Seigneur, fais-nous sortir. Nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. Allah subhanahu wa ta'ala répondra: ne vous ai-je pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse, alors qu'un adversaire vous était venu auparavant? Goûtez votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Et chaque fois que leur peau s'enlèvera, Allah subhanahu wa ta'ala leur en remettra une autre, afin qu'ils goûtent le châtiment. Ils voudront être anéantis et ne plus exister. Où sera ce jour-là le refuge? Et qui paiera une rançon pour les libérer? Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet: et ils crieront: Ya Malik, O Malik, Malik est le gardien de l'enfer, que ton Seigneur nous achève. Il dira en vérité: vous y êtes pour y demeurer éternellement. Les pleurs, leurs pleurs, leur détresse et leurs lamentations augmenteront. Ils seront alors désespérés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cette situation. Ceci sont de véritables informations sur l'enfer et sa fournaise. Et sachez qu'elle sera remplie entièrement comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'en dirai l'enfer des filles et d'hommes réunis. Donc malheur à tout associateur qui associe à Allah d'autres divinités. Malheur à tout pervers qui transgresse, dénigre et se complaît dans cette vie d'ici-bas. Malheur à celui qui ne croit pas en Allah, à celui qui ne nourrit pas le pauvre, à celui qui ne prie pas, à celui qui lance des paroles frivoles et futiles, à tous ceux, et tout cela fait partie des gens de l'enfer. Et sachez aussi que l'ivrogne, celui qui vend, achète, produit l'alcool, sont voués à l'enfer. Celui qui coupe les liens de parenté est voué à l'enfer. Celui qui s'adonne à la sorcellerie et qui croit les devins et les charlatans dans ce qu'ils informent est voué au feu. Le médisant et celui qui fait de la calomnie sont voués au feu. Ceux qui amassent l'or et l'argent, le gardent et le dépensent, et ne le dépensent pas dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont voués à l'enfer. Celui qui laisse traîner ses habits au-dessus des chevilles est voué à l'enfer. Et parmi ceux qui auront le plus dur châtiment, il y a deux catégories: les dessinateurs, ceux qui imitent la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui maltraitent et torturent les gens ici-bas. Et ceux qui récitent le Coran, les savants, et ceux qui combattent dans le sentier d'Allah par ostentation, ceux qui ordonnent le bien et ne le font pas, et ceux qui interdisent le mal et le font, ceux qui disent ce qu'ils n'appliquent pas, et s'ils conseillent les gens, ils le font avec dureté, et si on les conseille, ils se détournent et n'acceptent pas par orgueil, cela l'enfer sera leur refuge. Une partie de ceux qui gouvernent sont dans l'enfer, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui trahit ceux qui lâchent sa tutelle est voué à l'enfer, rawahu al-Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui usurpe l'argent de son frère musulman en faisant un faux serment est voué à l'enfer, rawahu al-Muslim. Et il dit aussi: celui qui boit dans un récipient en argent ne fait en réalité que reproduire dans son ventre les gargouillements de l'enfer, rawahu al-Bukhari. Et ceux qui mangent l'argent des orphelins injustement, ils mangeront le feu de l'enfer et seront renversés dans la fournaise. Ceux qui mangent l'usure, malheur à eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout corps qui pratique l'usure, le feu est sa demeure, rawahu Ahmed. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a deux catégories d'entre les gens de l'enfer que je n'ai pas encore vues. Ce sont des gens qui portent des fouets pareils aux queues des vaches et qui s'en servent pour frapper et torturer les gens. Ce sont également des femmes qui sont pourtant vêtues, mais dont on voit les atours et qui ne cachent rien de leur partie, et d'autres se sont égarés et désobéissant à Allah, tout en étant provocantes. Elles n'entreront jamais au paradis et n'en sentiront même pas l'odeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, celle qui se lamente sur le mort, si elle ne se repent pas avant de mourir, elle sera au jour du jugement dernier présentée en mettant une chemise de goudron et une cuirasse envahie par la gale. Rawah Muslim. Et celui qui ruse et qui trompe et trahit est en enfer. Et la perversité, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, conduit en enfer. Et les pires des gens auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et celui que les gens ne fréquentent plus pour se protéger de son mal. Rawah al-Bukhari. Malheur à ceux qui propagent la calomnie et le mensonge sur les croyants, ceux-là auront un châtiment douloureux ici-bas et dans l'au-delà. Ceci sont certaines catégories de personnes qui sont en enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et nous facilite, afin que nous ne soyons pas avec ces gens dans la fournaise. Craignez donc Allah et craignez son feu en pleurant par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le feu n'atteindra pas une personne qui pleure par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est impossible comme il est impossible que le lait retourne dans la mamelle. Il y a deux catégories d'yeux qui ne seront pas touchés par le feu, des yeux qui pleurent par crainte d'Allah et des yeux qui ont passé la nuit à surveiller dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez donc protection contre le feu, ceci est le quotidien des pieux qui se rappellent. Et sachez qu'il y a des gens qui parcourent la terre à la recherche des assemblées où Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué. Et quand ils arrivent dans ces assemblées, ils écoutent ce qui se dit jusqu'à ce que cette assemblée se disperse. Puis ils retournent à Allah subhanahu wa ta'ala qui leur demande. Et Allah, en réalité, sait très bien ce qu'ils ont dit. Contre quoi demander protection? Allah subhanahu wa ta'ala dira à ses anges, contre quoi demande-t-il protection? Les anges diront, ils demandent protection contre l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dira, l'ont-ils vu? Les anges diront, non, ils ne l'ont pas vu, ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dira, comment serait-il s'ils l'avaient vu? Les anges diront, ils en seraient plus effrayés et demanderaient encore plus que tu les en protèges. Allah subhanahu wa ta'ala dira, je vous fais attester que je les ai effectivement absous et que je leur donne ce qu'ils demandent et que je les protège contre ce qu'ils craignent. Rawah al-Bukhari. Et dans le hadith rapporté par Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un homme musulman qui demande le paradis trois fois sans que le paradis le dise, ô Seigneur, fais-le rentrer au paradis. Et il n'y a pas un homme musulman qui demande trois fois protection contre le feu sans que le feu le dise, ô Seigneur, protège-le de moi. Hada wa sallu wa sallimu ala khayri al-bariyya وأزكى البشرية محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي فقد أمركم الله تعالى بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم أدر دائرة السوء على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وألق الرعب في قلوبهم واجعلهم غنيمة للمسلمين وعبرة للمعتبرين يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين واصل أعراضهم واحفظ أموالهم وديارهم من كل معتد ظلوم يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واحبسه في بدنه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم ول على المسلمين خيارهم اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار يا عزيز يا غفار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الأموات، اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجعل ما أصابهم سببا لرضوانك عنهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ألهمنا الصواب ووفقنا للحق وجنبنا الفتن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.